Cette semaine à la vie en BD, 60 minutes avec Lois Trondheim. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et tel qu'annoncé au départ. Belle entrevue qu'on vous propose cette semaine. Une entrevue qui a été réalisée un peu plus tôt, en la fin de l'été. En fait, Lois Trondheim qui était de passage à Québec pour une résidence de création organisée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. On a eu le plaisir de pouvoir partager presque une heure en sa compagnie, pouvoir échanger avec lui autour de différentes thématiques, et c'est l'entrevue qu'on aura le plaisir de vous proposer cette semaine. Sinon, dans l'actualité, BD, quelques petits clins d'œil, notamment la populaire série Les Nombris, et désormais adapté pour le théâtre, une adaptation théâtrale destinée aux adolescents, destinée aux cours d'art dramatique, aux activités parascolaires du niveau secondaire, qui a été réalisée par l'auteur Jocelyn Roy. Donc, Maryse Dubuc nous en avait parlé il y a de ça presque un an dans le cadre d'une entrevue. Et ben, c'est maintenant chose faite et la pièce est désormais disponible d'ailleurs au sein des répertoires virtuels Adèle ou sinon au CEAD. Alors, on assure que l'adaptation de Jocelyn Roy vise à conserver tout l'humour et le réalisme qui font des Nombris un succès international. On assure également que les dialogues mordants de la série et son humour vif ont bien été conservés. Sinon, dans l'actualité, je le fais mention puisqu'on diffuse une longue entrevue avec Lois Trondheim. Mais évidemment, il y a des événements qui sont passés depuis l'été dernier qui seront évidemment pas abordés au fil de celle-ci, et notamment toute la controverse autour de la Cité de la BD et Gilles Simon. Alors, dans l'actualité cette semaine, on parle de M. Trondheim qui a décidé de demander la planche qu'il avait léguée au musée de la BD d'Angoulême par protestation justement face à ces mesures. Alors, il signale justement qu'il n'a pas fait de papier de don officiel, donc que techniquement, moralement, cette pièce lui appartient toujours. Et donc, en lumière du traitement qui a été fait à Gilles Simon, qui est à mi-chemin entre le congédiement et le non-renouvellement, donc un statut indéfini qui l'amène à ressentir des difficultés financières importantes, eh bien, il décide donc d'agir et de protester de cette façon, en joignant d'autres auteurs, s'ils le désirent, à le joindre dans ces mesures. Alors voilà, pour ces clins d'œil à l'actualité. En musique cette semaine, c'est la formation Half a Person qui nous accompagne une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec leur album Demos. On écoute un premier extrait. D'être en compagnie de Lois Trondheim, qui est de passage à Québec, résidence de création qui est organisée à l'initiative du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et il prend un peu de temps pour échanger avec nous cette semaine. Alors, je ne prends pas du temps, je viens exprès ici pour te voir. Excellent. Mais Lois Trondheim, bonjour. Bonjour. J'énumère pas de titres pour te présenter. Évidemment, ils sont excessivement nombreux, ces titres-là. T'as dépassé, je pense, les 170 albums en plus de 25 ans de carrière. J'imagine qu'un qualificatif qu'on peut t'accoler, c'est celui d'être productif. Je pense que c'est un rythme assez marqué, le plus de 6 albums par année si on fait la mathématique. Sachant qu'il y a des albums qui font 22 pages et qui sont de format quasiment d'un timbre-poste, Et en contrepartie, des albums de 500 pages en format normal. Exactement, ça finit par balancer, par faire une moyenne. Oui, mais quand j'étais plus jeune, j'en faisais plus. Et qu'est-ce qui enfin, on parle beaucoup de cette productivité-là comme un des éléments, comme je le disais, qui te spécifie parmi d'autres, évidemment. Est-ce que c'est appelé principalement par une capacité que tu as à travailler rapidement, efficacement, et que c'est ça qui a amené ce rythme-là, d'une certaine Disons façon? Disons qu'à la base, je voulais vraiment être scénariste, écrire des histoires et pas forcément les dessiner, même pas limite, pas du tout les dessiner. Parce que je voyais très bien que j'en avais pas du tout les capacités techniques. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, c'est peut-être faisable. La première fois, d'ailleurs, c'était en voyant des pages de Matt Conture dans le fanzine Le Lynx. Je me dis, tiens, c'est très mal dessiné, mais c'est très bien raconté. Donc, ça m'a ouvert d'un seul coup une porte en disant, on peut faire de la bande dessinée en dessinant mal, mais en prenant le temps d'au moins bien raconter les histoires. Donc, je me suis bien basé à la base là-dessus sur un travail de scénariste, un travail de dialoguiste, et en faisant des cases répétitives, souvent photocopiées, avec un personnage bouche fermée, bouche ouverte, et sur lequel je collais des bulles. Petit à petit, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu limitatif et qu'il fallait que je fasse autre chose si je voulais pas être considéré comme une grosse feignasse. Et donc, j'ai appris à dessiner petit à petit, là, depuis 25 ans. En fait, d'une certaine façon, les aventures de Lapineau, c'était un peu le premier grand apprentissage du dessin. C'est un peu ça. Mais le truc par rapport au dessin et au nombre d'albums, moi je suis quelqu'un de très instinctif. J'improvise la plupart du temps, quasiment toujours. Donc j'ai besoin d'aller vite. J'ai besoin que mon dessin aille vite et je sais que mon dessin va pas être formidable de toute façon, même si j'y passe du temps. Donc je n'y passe pas beaucoup de temps. Et en même temps, en fait, vous avez déjà parlé un peu dans certaines entrevues de l'intérêt de la contrainte. Donc, en fait, par exemple, dans l'idée, des petits riens, c'est à peu près quoi, une demi-heure, 45 minutes de travail, dans l'idée d'autres projets. Est-ce que, d'une certaine façon, la capacité de dessin devient aussi une contrainte, dans le fond, s'ajoute, en fond, aux contraintes que vous donnez ou au cadre que vous donnez? À la base oui, puisque j'étais limité, je pouvais pas dessiner tout, je faisais des fausses perspectives pour faire croire que c'était un peu stylé, et après j'ai commencé à vraiment dessiner d'après nature pour mieux comprendre comment on fait du vrai dessin. Donc ma limitation au niveau du dessin était une contrainte, et après, comme je suis très très joueur, évidemment, si je me dis un jour, si je faisais une histoire avec des 80 cases par page, si je faisais une histoire muette, si je faisais une histoire minimaliste et voire même abstraite, qu'est-ce que ça donnerait? Donc j'aime ça, ça m'amuse. Puis après, avec des copains, on a créé le Loubapo, qui est rattaché à Loulipo, l'ouvreur de littérature potentielle, pour faire des bandes dessinées vraiment spécifiquement sous contrainte. Par exemple, il y a le double aveugle, qui est une contrainte que j'aime beaucoup. Quelqu'un prend une page, par exemple, mettons de Gossens, qui serait pas connu, ou de n'importe qui d'autre. Il enlève les textes et garde que les images, et va donner les images avec les bulles vides à quelqu'un qui doit remplir les textes. Et il va donner les textes où il n'y a pas les images à quelqu'un d'autre qui doit faire les images. Et après, on rassemble les nouvelles images avec les nouveaux textes qui créent une nouvelle page, souvent avec des bonnes surprises. Et ça permet d'une certaine façon, dans le plaisir, d'aller un peu éclater les approches narratives, d'aller s'amuser sans nécessairement dire, OK, on le fait pour repousser le contexte de narration, mais ça nous donne... Oui, c'est ça. Le but, c'est pas de faire des bouquins qui après seront vendus à un million ou 10 millions d'exemplaires. C'est juste pour se faire plaisir, apprendre des choses. Le processus créatif, c'est quelque chose qui est très fragile. Et je pense que c'est important pour les auteurs d'avoir des bases où ils peuvent se passer du temps dans une sorte de laboratoire, à essayer des choses nouvelles qui après seront réutilisées d'une façon ou d'une autre dans leurs travaux quotidiens pour les plus gros éditeurs. Oui, parce qu'une certaine façon, en fait, si on ne cherche pas à se renouveler, on s'enracine, après ça on perd un peu peut-être éventuellement une partie de cette fibre créatrice-là. La bande dessinée, c'est un métier de jeune homme, comme disait Robert Crumb, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez astrayant. Il faut rester à sa table très longtemps, des jours, des semaines, des mois pour faire un album, sauf si on est comme moi, on est très très rapide, mais malgré tout, il faut quand même du temps. On va répéter le même personnage de case en case, le même décor de case en case derrière les personnages. Donc ça va un an, ça va 10 ans, ça va 20 ans, mais il y a un moment, on se dit, mais pourquoi, à quoi bon? C'est assez difficile. Donc nous, notre génération des années 60, 70, 80, au niveau des naissances, On est privilégié par rapport à celles d'avant, qui étaient les générations d'Hergé, de Franquin, et tout ça, parce que on peut travailler sur des personnages différents, avec des éditeurs différents, on peut faire des one-shots, alors qu'avant, c'était le même personnage toute notre vie. Quand Franquin a arrêté de faire Spirou, et qu'il a commencé à faire les idées noires pour Fluide Glacial, les gens chez Dupuis hurlaient à la traîtrise. Et vous aviez fait, en fait, j'essaie de retrouver le titre, désœuvré, je crois, oui, à l'association sur un peu justement le fait que certains de ces auteurs-là, avec les contraintes, avec les relations parfois un peu complexes avec les éditeurs, tombaient dans la dépression, dans l'alcoolisme, dans... Voilà, bah c'était une génération effectivement où l'auteur était pressurisé. Il fallait sortir le nouvel album tous les ans. Il fallait sortir 2 pages par semaine pour le magazine Spirou, le magazine Tintin, etc. Donc, et puis il y avait moins de dialogue que maintenant entre nous, entre auteurs. Il y avait moins de festivals, donc ils se voyaient un peu moins. Et forcément, bah ça use, ça mine, et la dépression et l'alcoolisme étaient souvent au rendez-vous. Et question justement de garder ce rythme-là côté création, on parlait de ta productivité, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est aussi la variété des univers, en fait. Bon, oui, il y a quand même une unité côté de dessin, on sent que c'est toi, mais il y a quand même une marge entre Donjon, Ralphazam, puis Les Petits Riens, et tous les projets entre les deux aussi. Donc, tu jongles avec plusieurs projets, mais avec plusieurs styles aussi, avec plusieurs univers, avec plusieurs tons. Je trouve que la bande dessinée, c'est un médium extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses à faire encore, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on peut encore vraiment défricher. Et que ce soit des albums pour enfants, mais qui prennent pas les enfants pour des imbéciles, que ce soit des albums pour adultes, mais avec des héros qui soient pas juste le gentil contre le méchant, que ce soit des albums autobiographiques, où on va se raconter, mais d'une manière avec un plus de recul, un peu plus d'humour, un peu plus de cynisme. Moi, ça m'intéresse d'essayer tous ces champs-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis joueur, donc je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire. Si ça m'intéresse beaucoup, je vais en faire plein. Si ça m'intéresse une seule fois, je le fais qu'une seule fois. Et en même temps, j'imagine que de passer comme ça d'un projet à l'autre, d'un style à l'autre, si on est bloqué sur un, peut-être on débloque sur l'autre. Si c'est pas sur l'autre, c'est sur le suivant. Voilà, c'est mon système de travail. Comme je suis beaucoup à l'improvisation, si je veux commencer, je passe à un autre projet que je dessine ou que je scénarise pour d'autres. C'est ça aussi une des spécificités de mon travail, c'est que j'ai dû travailler peut-être avec 50 ou 60 dessinateurs différents. Ce qui fait peut-être de moi le scénariste le plus prolixe de la bande dessinée. Et quand dans un travail de scénario, j'imagine qu'on fournit pas non plus le même type de produit à Mathieu Bonhomme, à Andreas, à Asfarch. Chaque dessinateur a un peu sa manière de travailler. Est-ce que c'est toi qui t'adaptes ou est-ce que c'est plus eux qui s'adaptent à... Il y a un pas de côté de la part de chacun, mais c'est vrai qu'à la base, c'est plutôt moi qui vais vers le dessinateur et je lui dis qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te ferait pas plaisir du tout, qu'est-ce que tu as envie de dessiner. Est-ce que tu veux que je te donne un scénario découpé avec des bonhommes patates, comme de toute façon je vais faire mon scénario de cette façon-là en forme de bande dessinée, ou est-ce que tu veux que je le fasse de manière juste tapée sur le clavier? Et avec des dessinateurs comme Mathieu Bonhomme ou Stéphane Wary, eux ils me disent, c'est les deux seuls réalistes avec qui je bosse, ils me disent qu'ils préfèrent un scénario tapuscrit. Donc je fais tapuscrit, je tape sur le clavier. Et en fait, je le dessine à l'avance et après je le retranscris juste en texte. C'est quasiment plus long. Hein. C'est un peu plus long, mais de toute façon, c'est mon système de travail. Je peux pas me mettre devant un écran et dire je vais faire une bande dessinée. J'ai besoin d'avoir le papier, j'ai besoin de faire les cases, d'avoir la rythmique entre les cases. On oublie de dire que c'est du rythme, la bande dessinée. Quand on en parle, on parle de cases, on parle de dessin, on parle de le trait, le plein, le délié, le scénario, mais c'est du rythme. C'est-à-dire que la magie de la BD, c'est il y a une case avec un personnage qui marche dans la rue avec une peau de banane devant lui, et la case suivante il est par terre. Et c'est le lecteur qui a fait le lien entre la case 1 et la case 2, ce qui est il a marché sur la peau de banane et il s'est cassé la figure. Et ça, c'est systématiquement ce qu'on doit faire, nous, en bande dessinée, c'est utiliser le noyau dur de ce médium qui est cette ellipse. Et d'une certaine façon, fait l'improvisation là-dedans, c'est de se laisser porter par le rythme, une fois qu'il est placé. Moi, mon travail, c'est comme ça. Je dis pas qu'il faut faire comme ça absolument. Moi, j'aime me surprendre et être mon premier lecteur. Donc, j'improvise et je me laisse emporter. Je me dis, il se passe ça, cette case-là. Qu'est-ce qui se passe à la suivante? Je sais pas. J'essaie de me surprendre. Ah oui, on va faire ça. Quand je travaillais sur Donjon avec Johan, donc on fait les scénarios ensemble. Parfois il dessine, parfois je dessine, ou parfois on donne le scénario à d'autres. Mais comme on déteste les vacances, on part en vacances ensemble avec nos familles, nos femmes s'entendaient bien, nos enfants s'entendaient bien. Et nous, on s'enfermait, on prenait un paquet de feuilles. Il commençait à écrire un donjon, je commençais à écrire un donjon. Puis dès qu'on avait mis le personnage dans une position spécialement embarrassante, hop, on passait à l'autre. Et puis on essayait de le faire rire, de le surprendre, de le mettre... effectivement dans l'embarras pour que ce soit super vivant. C'est quand même un défi de cohérence aussi là-dedans quand on se lance un peu on se lance sans filet, surtout dans, en fait j'imagine dans un contexte comme Les Petits Riens, se lancer sans filet c'est tel quel, c'est une planche, mais dans un truc comme Donjon où là on a un univers, une saga, C'est en ça que le travail avec Johan Svar était assez complémentaire, parce que lui il a une extrêmement grande culture que moi je n'ai pas, et moi j'ai une espèce de formalisme, je suis assez carré dans les structures, donc je sais qu'à partir d'un moment, il va falloir un petit peu serrer les boulons. Souvent, c'est au trois quarts, aux deux tiers, je me dis, attends, on va relire ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on voulait dire, ok, maintenant, il faut savoir où on va, pour finir. Oui, donc à un moment donné, on se dit, ok, je suis rendu aux deux tiers, on cadre un peu plus pour pouvoir rentrer dans le cadre pour aussi. Pour éviter de faire comme Hergé sur certains albums où t'as la dernière page et l'avant-dernière page qui sont blindées de textes, d'explications, avec une petite tête dans un coin, puis tout le reste c'est rempli de blabla. Relisez des vieux Tintin comme ça. Alors, allez voir les dernières pages, vous allez voir. Parfois c'est super bien fait, mais parfois on sent que 64 pages c'était pas assez, qu'il a fallu tout rentrer au chausse-pied. Et en se lançant aussi dans de l'écriture quand même assez rapide, j'imagine que sur les séances d'écriture pour Donjon avec Svar, dans ces contextes-là, on parle de peut-être 3 jours, 5 jours pour quelques scénarios, c'est quand même assez... Oui, on parle c'est 2 à 3 jours pour faire un scénario. Et donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de retomber, par exemple, sur un album et d'avoir oublié le scénario que vous aviez écrit parce que, dans le fond, vous en faisiez 3-4 en même temps ou un peu... Moi, non, mais il est arrivé effectivement à Johan une fois de recevoir un livre de Donjon qu'il avait complètement oublié parce qu'on l'avait fait genre 3 ans avant. On l'avait fait pour une personne qui a dit finalement qu'il pouvait pas le faire. On l'a filé à quelqu'un d'autre qui a dit « Ah, je peux pas le faire ». Puis finalement, on l'a filé à une troisième personne. Donc, il est tombé sur le livre comme ça et il a dit « Mais en fait, c'était comme dans une sorte de rêve ». C'est un rêve, c'est un livre à moi, il y a mon nom, c'est Donjon, je regarde, je lis l'album, je me souviens de rien, et je ne savais pas si c'était réel ou pas réel. Et c'est vrai que lui, il en fait, moi j'en fais beaucoup, mais il en fait beaucoup plus. Et à travers ça, on dit souvent que c'est l'expérience la meilleure école, donc d'une certaine façon, à force d'essayer de dessiner, à force de scénariser... Eh ben, ça devient un peu une seconde nature aussi. J'imagine que je t'aurais parlé de scénarisation il y a 20 ans, il y a 10 ans, puis aujourd'hui, la perspective aurait été différente, teintée de l'expérience que tu t'es construit oui, à force sûr. D'expérimenter. Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant qu'à l'époque. Là, quand je m'embarque à faire une série comme Ralph Azam, qui est une série un peu feuilletonesque, donc avec beaucoup de récits à suivre, là, j'ai fini le tome 7, ça m'a pris 4 ans et demi. J'avais la structure en tête à la fin du tome 1, donc je savais que j'allais devoir y passer du temps, mais je m'y serais pas risqué il y a 10 ans. Je m'en serais pas senti les épaules assez solides pour le mener à terme, d'autant qu'après il y a une deuxième époque, une troisième époque qui font peut-être autant de bouquins à chaque fois. Et en même temps je me dis bon, là j'ai 50 ans, peut-être que ce serait bien de faire un gros truc pour finir avant d'être trop mauvais. Et en même temps, Ralph Azam est un peu dans la continuité de Donjon au niveau de certaines thématiques, certaines ambiances, certaines stylistiques. C'est un peu le Donjon, mais version solo, d'une certaine façon. Si on compare peut-être boiteusement un peu. Oui, mais en fait, c'est né d'une espèce de frustration de ma part parce que Donjon s'était arrêté un petit peu brusquement parce que Johan s'était mis au cinéma, il avait plus le temps, ou il ne trouvait plus le temps de faire du scénario avec moi sur Donjon. À partir de là, moi, ça me posait pas de problème, mais après, il y a commencé à faire une série toute seule d'Heroic Fantasy qui s'appelait L'Ancien Temps. Et là, je me suis dit, mince, il a quand même le temps de faire de l'Heroic Fantasy, donc il aime ça, puis moi j'aime ça aussi, donc moi aussi je veux faire ma série d'Heroic Fantasy, et puis voilà. Et à l'intérieur de ça, si on revient un peu à l'idée d'expérimentation, j'imagine que ça implique aussi d'accepter de se remettre en question, c'est d'accepter aussi d'échouer ou de pas avoir une part de l'échec en essayant justement de proposer des choses que le public suive ou non, que de le faire pour vous-même, mais sans justement... À chaque album, que ce soit de Dark Fantasy ou des travaux pour du jeune public, de Lou Bappo ou de tout, moi j'essaie de le faire pour moi. J'essaie de faire en sorte que les albums que je fais, je les fais parce que j'ai envie de les faire et pas parce que je dois gagner de l'argent en les faisant. Mm-hmm. Ça relève un peu du luxe, mais effectivement, j'ai beaucoup travaillé à côté de la bande dessinée en faisant directeur d'écriture pour des séries télé, en faisant de la publicité, en faisant des illustrations, des choses ou d'autres, pour pouvoir être tranquille à faire vraiment les bandes dessinées que j'ai envie de faire. Mmh. Pour moi, c'était très très important de pas me retrouver petit à petit dans un terrain glissant où je n'aurais pas senti le fait que je devenais obligé de faire ce que j'aime faire. C'est pas forcément très facilement compréhensible ce que je dis, mais je cite souvent cet exemple-là. C'est, imaginez que vous avez le plus beau gâteau, le gâteau que vous préférez. Il est devant vous, et il y a votre pire ennemi qui vient vous voir et qui vous dit « mange ce gâteau ». Et bien le gâteau, on va le manger avec moins de plaisir, parce qu'il y a notre pire ennemi qui vient de nous dire « mange ce gâteau ». Donc la bande dessinée, ou en tout cas tout travail un petit peu artistique, il faut, à mon avis, se donner les moyens de le faire parce qu'on a vraiment envie de le faire. Et j'imagine que dans certains cas, c'est aussi de dire d'un côté, ok, tel album a eu un certain succès, on m'offre une suite, ben non, je serai pas la suite, je vais passer quand même à autre chose ou de. Après, faut être assez fort effectivement pour se dire, soit je fais pas la suite parce que je pense en pas capable, soit je la fais pas parce que je sens que je vais être coincé, je vais être faire toujours la même chose. Moi j'ai la chance de pas faire des albums à succès de toute façon. Donjon, le tome 1 a dû se vendre à 75 000 exemplaires, c'est très bien, mais les suivants, les derniers ont dû se vendre autour de 20 25 000 exemplaires. C'est pas l'enfeuse de 3, c'est pas Black et Mortimer. Lapino, c'est 20 30 40 000 exemplaires, c'est bien, mais c'est pas comme si c'était 200 000 exemplaires. Mm-hmm. 200 000 exemplaires, faut qu'on comprenne simplement que quelqu'un qui fait 200 000 exemplaires, il va toucher plus de 200 000 euros. Donc, refuser 200 000 euros ou 300 000 dollars, c'est difficile. Ça change la dynamique de questionnement, si on peut dire. Absolument. Et même à la limite, en fait, j'imagine que, exemple, si vous arriviez avec Lapino aujourd'hui dans l'évolution de l'univers graphique et des possibilités d'univers graphique de la BD versus, il y a 20 ans, les possibilités pour ce type de dessin-là aussi sont beaucoup plus présentes qu'à l'époque. Il me semble qu'il y avait quand même un peu plus de... disons, d'encarcanement chez certains éditeurs vers un certain dessin traditionnel. Mais moi, quand j'ai proposé Lapino au début, personne n'en a voulu. Au début des années 90, c'était l'album Slalom qu'on a fini par faire à l'association en noir et blanc, mais je l'avais fait, et tous les éditeurs m'ont refusé en me disant « c'est animalier, l'univers animalier, c'est pas franco-belge, donc on fait pas. En plus, le dessin... un peu minimaliste, pas forcément très bien tourné, donc c'est compliqué. En plus de ça, c'est même pas pour enfants, parce que tu fais un scénario qui est bien, qui est drôle, mais qui est plutôt ado-adulte. Donc il y a une vraie dichotomie dans ton travail, et on saurait pas du tout comment le vendre. Y a même un éditeur qui m'a dit, écoute, moi, c'était les humanoïdes associés, écoute, on va le faire, ton bouquin, mais gratuitement, on te paye pas. Bah, à partir de là, moi, c'est bon, quoi. Gratuitement, je peux le faire aussi à l'association, ça sera gratuitement. Et... on garde un peu plus de contrôle. Et j'aurai plus de contrôle sur ce que je fais. Mais au bout d'un moment, avec cet album-là, Slalom, j'ai eu le prix coup de cœur à Angoulême, donc prix du meilleur jeune espoir. Et là-dessus, chez Dargo, ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Finalement. Donc, oui, et puis le fait qu'il y ait des gens comme Sfar, des gens comme Blin, des gens comme Bludge, des gens... Plein de gens de ma génération, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, qui ont ouvert des portes graphiques, narratives, ont fait que y a eu plus de choix. Maintenant, si j'arrivais avec Lapino, ce serait plus facile, effectivement. Mais il y a eu beaucoup plus d'éditeurs aussi, parce que le truc, c'est que en 90, quand on a créé l'association avec Jean-Christophe Menu, Kilofer, David B, Matt Conture, Stanislas. Il n'y avait pas vraiment le choix, quoi. On l'a fait parce que personne d'autre voulait nous publier, ou voulait publier de la bande dessinée en noir et blanc, un petit peu plus expérimentale ou intimiste. Mm-hmm. Quand David B a fait son livre Le Cheval Blême, qui racontait les rêves qu'il avait notés depuis 10-15 ans, c'était totalement incongru dans le paysage de la bande dessinée. Maintenant, ça semble tout à fait normal. La bande dessinée de reportage, ça existait pas ou peu, en tout cas j'en avais vu un petit peu avec Jean Tellet dans les années 70, mais sinon quand on a commencé effectivement à publier Guy Delisle sur Pyongyang, Shenzhen ou l'association en Égypte, l'association en Inde, c'était un petit peu nouveau, quoi. Et puis faire l'autobiographie simplement, c'était nouveau, même si Crumb en avait fait de l'autre côté de l'Atlantique. D'une certaine façon, il fallait des auteurs qui se métamorphosent un peu en groupe d'éditeurs pour réussir à faire des brèches sur les murs. Il fallait non seulement qu'ils le fassent, qu'ils créent des structures. Donc à partir de là, effectivement, il y a eu l'association, il y a eu Cornelius, il y a eu Ego Comics, il y a eu plein d'éditeurs. Mm-hmm. Mais c'est surtout que nous, c'est ce que nous ont dit les lecteurs, c'est que dans les années 80, beaucoup de lecteurs ont lâché la bande dessinée parce qu'on leur proposait que des sempiternels bouquins du gentil contre le méchant qui se passaient au Moyen-Âge. Mmh. Et puis voilà, plein de gens nous ont dit, là on a vu l'association, on a vu les bouquins, et d'un seul coup c'était une espèce de bouffée d'air frais. Mmh. Et effectivement, grâce à ces lecteurs et grâce à quelques libraires à la base qui nous ont pris nos livres, et ce qu'il faut voir, c'est que l'association... On allait prendre la voiture de la mère de Stanislas, on allait livrer nous-mêmes les bouquins à Paris et en périphérie. C'était vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour ça. On agrafait les livres, certains petits livres à la main, on faisait des sessions de pâte de mouche comme ça, pour dès qu'il y avait besoin de renflouer un petit peu les demandes des libraires. Mais et les libraires, on leur disait, les livres qu'on vous donne, il n'y a pas de retour possible, c'est qu'on ne vous le laisse pas et on va le reprendre un an ou deux ans plus tard. C'est vous l'achetez et puis on ne le reprend jamais. Donc au début, le libraire n'était pas trop favorable, mais finalement il les vendait, les bouquins. Et les autres libraires à côté qui les prenaient pas voyaient qu'il les vendait, donc ils les prenaient aussi. Donc ça a fait que ça a fonctionné. C'est une espèce de petit miracle qui fait qu'on était en adéquation avec notre époque et notre public. Oui, mais qui est venu aussi lancer justement une nouvelle... renforcer peut-être des mouvances en BD, qui est venu lancer une nouvelle génération d'auteurs qui eux-mêmes, après ça, accompagné d'autres générations, ont pavé la route, en fait, pour d'autres... Si on veut regarder d'un point de vue plus générationnel, il y a la bande dessinée qu'on peut dire, la bande dessinée dans le stade enfantin, avec, mais pas dans le sens négatif du terme, enfantin, avec les RG, les PIO, les Franquin, jusque dans les années 60-70. Elle est devenue adolescente avec Fluide Glacial, L'Écho des Savanes, Métal Hurlant, dans les années 70, donc ça crée un chouette mouvement. Et elle est devenue adulte dans les années 90-2000, avec plus de réflexion, des choses plus posées... Et donc, la logique voudrait qu'elle crève d'ici moins de 10 ans. Et on reparlera peut-être, on va prendre une courte pause, on va poursuivre justement sur cette logique de l'avenir, d'évolution. Tu travailles aussi beaucoup, notamment du côté numérique, entre autres choses. Alors, Lewis Trondheim, donc vous restez avec nous. Qu'est-ce qu'on va écouter alors? Une pause pub. Une pause pub, mais une pub de qui? C'est quoi? On va le découvrir. Ah, chouette. Alors, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Assistez à une rencontre hors du commun entre l'écrit et l'image le mardi 14 octobre prochain dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres lors du spectacle Paroles sur image. Pour un soir seulement, 4 auteurs et 4 dessinateurs unissent leurs forces pour créer 4 œuvres originales, lues et illustrées en direct. Découvrez les créations de Webster, Catherine Dorion, Pierre Bouchard, Bach et plusieurs autres. Paroles sur image, le 14 octobre, 21h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Macaron de festivalier obligatoire. Réservation au 418-641-6788, poste 125 ou à info@québecentoutelettres.com. Une production de Parenthèse 9, présentée grâce au soutien de Première Ovation et en collaboration avec Le Cercle, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et CKRL. Vous ne pouvez pas vous rendre sur place? Écoutez la lecture des textes en direct sur les ondes du 89.1. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... L'autre moitié du soleil. Les aventuriers voyageurs présentent Kauai. Gone Girl, sous les jupes des filles... Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation... L'autre moitié du soleil, sous les jupes des filles, et le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est KRL. Toujours à l'écoute de la vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier est toujours avec vous. Et j'espère que la pub était bien. Oui, effectivement. avec inspirante à tout le moins. Et Lewis Trondheim, bon, qui est toujours avec nous également. Et ben tout à l'heure, en fait, on parlait justement de l'évolution du médium. On a porté un regard un peu générationnel aussi sur l'évolution de la BD. Portant un regard un peu sur ce qui s'en vient d'une certaine façon, mais en lien aussi avec ton travail. Bon, tu gardes une présence évidemment papier, donc on le disait en début d'entrevue, beaucoup d'albums, une présence magazine aussi avec papier, et une présence web aussi avec les blogs, avec différents projets, des projets d'animation aussi en flash et le reste. Est-ce que, un peu comme on disait que c'était important pour toi d'aller exploiter différents styles, d'aller explorer un peu au maximum là-dedans, est-ce que c'est un peu la même chose en matière de support à ces explorations plus narratives là? Oui, parce que quand on fait de la bande dessinée, c'est du papier et un crayon la plupart du temps. Mais quand on est quelqu'un qui aime la narration comme moi, on peut imaginer qu'il y ait des formes différentes pour exploiter un récit. Et effectivement, quand on fait du turbo média, par exemple, c'est sans être du dessin animé, c'est quand même intéressant. Il y a des choses que j'aurais jamais pu faire autrement que sur ce support-là. Alors, on peut peut-être expliquer ce que c'est le turbo média. Oui, en fait, j'avais déjà un point d'interrogation aussi. Alors, le turbo média, c'est sur Internet, par exemple, il y a une image. On va cliquer sur l'image ou cliquer sur la flèche de droite du clavier et on aura la suite. Et il peut y avoir un petit élément de mouvement d'un personnage qui apparaît ou d'une bulle qui apparaît. Et on clique encore pour avoir la suite et on clique encore pour avoir la suite. Ça peut se décaler sur une autre case ou autre chose. Mais le lecteur est actif, c'est-à-dire que c'est lui qui décide d'avoir la suite. Mais en même temps, tu as des petits mouvements, tu as des choses, tu n'as pas de son, enfin pas forcément. Mais c'est pas du dessin animé parce que c'est... Le lecteur est actif, mais c'est pas le dessin animé du pauvre, parce que le fait que le lecteur décide d'avoir la suite, ça crée des petites surprises. Et en même temps, ça vient profiter un peu de l'idée, à la base, j'ai l'impression d'un peu toutes les créations web, dans la mesure où c'est un support plus dynamique peut-être pour des interactions entre le lecteur et l'auteur. Donc, que ce soit justement dans des projets comme ça, on va sélectionner, on va choisir de poursuivre ou non, que ce soit dans le feedback aussi, dans les échanges qu'on peut avoir avec... le blog ou des choses comme ça. Oui, enfin moi en même temps sur mon blog j'ai décidé de pas avoir de commentaires parce que ça me fatigue un peu. J'ai passé l'âge d'avoir besoin d'amour de mes lecteurs. c'est important d'avoir un côté laboratoire chez soi. Enfin, que ce soit pour faire des choses différentes ou dans le même domaine, essayer des outils différents, un feutre, un crayon, un rapidographe, essayer la cintique, essayer la tablette graphique, essayer de faire un petit peu de mouvement avec les systèmes de... Moi, j'utilise Motion Composer, mais on peut utiliser Flash et tout ça pour le Turbo Media. Turbo Media, c'est un terme qui a été inventé par Boulet, d'ailleurs. C'est Balak qui avait trouvé le système, mais il cherchait un nom pour ça. Et Boulet, pour plaisanter, a dit « Turbo Media ». Et c'est resté. Et je me rappelle en fait une citation que j'avais lue de toi, justement par rapport à la question du numérique, où tu disais que souvent on faisait l'erreur d'envisager le numérique comme simplement un nouveau médium pour la BD, un nouveau support, alors qu'il fallait peut-être l'envisager plutôt comme un nouveau territoire à explorer. Oui, mais c'est difficile. Moi, je sais que j'ai fait Bloody il y a déjà 5 ans environ. C'était une histoire tous les jours pendant un an. Avec un petit chat et c'était traduit en 17 langues. Il y a eu assez peu d'abonnements, mais il y a eu un bon écho presse, etc. Mais je l'ai fait en me disant, ok, le côté web, le côté numérique, c'est le fait qu'on peut l'avoir en 17-18 langues. C'est le fait qu'il y a des bonus et on peut avoir accès directement au crayonné ou à des illustrations en plus. Mais je le compose pour quand même à la fin qu'il y ait un livre en format papier. Parce que de toute façon, je vais pas gagner ma vie, a priori, en faisant du format comme ça numérique. Il y a pas beaucoup de Français, en tout cas, il n'y en a pas du tout. Il y a pas mal de Coréens qui gagnent leur vie avec le web. Dans le francophone, on dirait qu'on n'est pas rendu là encore pour se réussir à monétiser un peu. Voilà, mais en même temps, ce qu'il faut monétiser, c'est évidemment, il y a plein d'auteurs comme Boulet ou Pénélope Bagieux ou comme moi qui avons notre blog, nous-mêmes à notre nom, pas au sein de Blogspot ou des choses comme ça, ou Blogueur, et on ne met pas de publicité parce qu'on veut pas que ça abîme notre bande dessinée ou la confiance qu'on a avec les lecteurs. Mais quand on veut faire un récit numérique, c'est pas évident parce que les éditeurs vont pas vouloir investir là-dedans parce que ça coûte cher et que ça va rien rapporter. Et on peut le comprendre. Mais je pense que de toute façon, ce qui sera intéressant là-dedans, au final, ce sera si des auteurs s'investissent vraiment à fond et créent une structure vraiment originale, qui sera adaptée, qui sera pas forcément une nouvelle association, mais simplement, voilà, j'ai une idée, je vais le faire comme ça, et ce sera suffisamment fort pour que il y ait 10 000, 20 000, 100 000 lecteurs qui le suivent tous les jours, tous les deux jours ou toutes les semaines. C'est pas un éditeur qui va avoir l'idée de le faire. À chaque fois qu'il y a eu un mouvement majeur au niveau de la bande dessinée, en tout cas dans le domaine franco-belge et même ici aussi au Québec, quand on parle du magazine Pilote qui s'est créé en 59, eh ben c'est Goscinny qui est auteur et Uderzo qui est auteur qui l'ont fait. Quand on parle de Métal Hurlant, eh ben c'est aussi Moebius, Druyet, Dionnet qui l'ont fait. Quand on parle de Fluidacial, c'est Gottlieb. Quand on parle de L'Écho des Savanes, c'est Mandrika. Donc c'est des auteurs. Quand on parle ensuite dans les années 90 de l'association, ben ce sont encore des auteurs. Quand on parle ici au Québec de Mécanique Générale, ben c'est Jimmy Beaulieu qui est auteur. Quand on parle de Paopo, c'est Luc Bosset qui est auteur. Donc ou La Mauvaise Tête. C'est des auteurs qui ont des intuitions. C'est jamais les éditeurs. Donc au niveau du numérique, ben, c'est des auteurs à un moment qui auront la bonne intuition et qui le feront. Dans un contexte où j'ai l'impression qu'on est en grande réflexion dans le milieu BD par rapport à ça, autant que par rapport même au statut d'auteur aussi, des grands débats autour des questions de rémunération, des questions de droit, du rôle de chacun dans la chaîne de l'édition et le reste. Donc ça donne l'impression pour un observateur, pour quelqu'un de l'externe comme moi, qu'on est à une période qui n'est pas nécessairement charnière, mais qui risque peut-être de le devenir pour une variété de raisons. Alors, d'un point de vue sociétal, les gens sont dans une période charnière, parce qu'effectivement, on vit sur les bases d'un ancien monde. Donc ça va être assez cruel et difficile pendant les quelques décennies qui arrivent. Au niveau de la bande dessinée, donc c'est pareil. On est dans un système où c'est difficile d'envisager de faire des albums qui vont se vendre à 15 euros ou à 25 dollars tout le temps, quoi. Les gens, s'ils sont en crise, ils vont pas acheter les bouquins comme ça, donc il faut trouver d'autres systèmes. On voit maintenant que il y a le crowdfunding qui commence à prendre de l'importance. Donc des gens comme Zach Weiner et Boulet qui font ensemble un projet qui demande 30 000 dollars, qui en récupère au final 380 000, tu te dis, là, messieurs les éditeurs, vous avez peut-être du souci à vous faire, parce que les auteurs qui vendent beaucoup vont arrêter de passer par vous pour être subventionnés, mais ils vont passer directement voir les lecteurs et vont leur demander des sous pour faire le prochain Bilal, le prochain je ne sais quoi, pourquoi pas, et ça peut très bien fonctionner. Et après, ils laisseront les miettes à l'éditeur en disant, je laisse le droit de le diffuser dans les librairies. Moi, je l'ai diffusé à 5 000, 10 000, 15 000 exemplaires à mes lecteurs. Et puis, tu as les miettes. Ce qui va poser encore après un problème, parce que les éditeurs, ils font c'est pas des méchants les éditeurs toujours, hein, faut pas croire. Ils c'est des joueurs. Ils misent de l'argent sur des bouquins. Il y en a peut-être 5%, 10% qui vont gagner de l'argent. Et le reste, ça va plutôt en perdre. Donc, si ils ont plus les grosses locomotives qui font gagner de l'argent, eh ben, ils vont arrêter de publier des jeunes auteurs. Et il y aura plus de laboratoire, il y aura plus rien. Donc, effectivement, moi, je sais pas que je suis inquiet, c'est que je vois très bien la métamorphose actuelle qui est en train de se passer, qui est inéluctable. Je dis pas que les plus forts survivront, je dis pas que les meilleurs survivront. Il y aura un écrémage, et ce sera difficile et ce sera douloureux. Et puis voilà. Et d'un autre côté aussi, au niveau du web, ça devient, j'imagine, aussi pour le responsable de collection, si on peut dire, ou pour l'éditeur, une pépinière, enfin, une occasion d'aller chercher, d'aller voir un peu le travail ou du travail déjà amorcé. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vient influencer ton travail avec la collection Shampoing, notamment? J'étais un des premiers, effectivement, à publier des choses qui venaient des blogs. Pas parce que je trouvais que c'était plus facile, parce que je trouvais que les travaux étaient bien, étaient marrants, et méritaient un format papier, et méritaient une forme de rémunération, en fait, parce que les auteurs faisaient ça pour eux, dans leur coin. Le fait d'avoir des retours de lecteurs immédiats, ça sert de moteur, donc c'est très bien. Mais c'est tout, quoi. Au niveau financier, ils ne gagnent rien. Donc le fait de dire, oh, bah, je te paye 7 500 € pour publier le bouquin, bah, y a peut-être une forme de paresse intellectuelle de ma part en disant, bah, je ne vais pas chercher vraiment des auteurs puisque le truc est déjà tout fait. Malgré tout, il y a quand même un travail de choix, et après de mise en page, de mise en place de l'œuvre elle-même. Oui, parce que quand le récit est formaté pour le web, il n'est pas nécessairement formaté pour le papier. Donc absolument, il y a des adaptations, oui. Il y a des réorganisations narratives. Quand on pense à le Stitcher, par exemple, il y a une réorganisation narrative qui a été faite entre la version initiale puis ce qui a été publié chez Delcourt. Absolument. Mais non, je n'ai pas rien d'autre à dire sur ce sujet-là. mais si je fais du pouce un peu là-dessus, justement, comme responsable de collection, qu'est-ce qui attire un peu Lewis Trondheim? Qu'est-ce que le lecteur Trondheim apprécie, puis qui généralement va l'amener à conseiller au lecteur, au responsable de collection Trondheim d'éditer, peut-être? Il faut que le projet me titille, m'amuse, me surprenne, et que je trouve ça fun, quoi. C'est simplement ça. J'ai pas de vraie logique ou autre que le plaisir de lecture. Donc c'est un luxe. Un peu comme dans l'écriture, d'une certaine façon, on en parlait tout à l'heure. Oui. C'est le plaisir qui guide un peu le travail de scénarisation, le travail de dessin, le travail d'édition aussi, finalement. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir des auteurs comme Guy Delisle ou Boulet ou quelques autres qui vendent plutôt bien dans la collection et qui me permettent après de publier des choses et prendre des risques sur des jeunes auteurs. Et en parallèle, en fait, bon, évidemment, il y a la signature, donc, Trondheim, qui est beaucoup de personnages animaliers. On parlait tout à l'heure des éléments de contrainte. Est-ce que c'est né aussi un peu de la contrainte des capacités de dessin que vous avez dit, bon, OK, moi, c'est ma taille, entre guillemets, c'est le type de dessin que je préconisais, le type de personnage? Ou est-ce que c'est venu au départ, mais par après, vous avez choisi de rester un peu dans ce cadre-là pour la balance? Ou... Bah, franchement, si j'avais dû choisir à la base un type de dessin, j'aurais essayé de prendre quelque chose de très réaliste, très flatteur pour l'œil, et j'aurais pas fait ce que je fais là. Mais comme je suis assez pragmatique, je me dis, bah, voilà, qu'est-ce que je peux faire, et avec ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux raconter? J'ai pas cherché à faire des choses au-delà de mes capacités. Et c'est ce que je conseille souvent à des jeunes auteurs, c'est déjà, écrire lisiblement les textes. Ça, c'est super important. Parce que même si le dessin est un peu pourri, au moins on peut lire le texte. Si on lit pas bien le texte, on va même pas plus loin que la deuxième case. Donc bien, et c'est là tout simple, hein. Mais il y en a plein qui écrivent mal. Et oui, c'est comme ça. Ensuite, eh ben, essayer de pas dessiner au-delà de leurs capacités. Et d'une certaine façon, en fait, ce cadre-là, ben, si on prend par exemple la série Donjon, dessiner réaliste, ça aurait été complètement autre chose, complètement une autre ambiance, et probablement que ça aurait amené aussi à un autre type de scénarisation. Donc, d'une certaine façon, le fait d'avoir fait le choix du type de dessin qu'on allait donner... Ça s'est fait vraiment par hasard, parce qu'en fait, Joanne voulait travailler avec moi depuis longtemps, on travaillait en atelier ensemble à Paris. Quand j'ai quitté Paris, il m'envoyait régulièrement des idées de projets, et généralement, je refusais. Et quand il m'a proposé le début de Donjon, je me suis dit, ah, ça c'est pas mal. Mais je me suis dit, on peut faire un album de Lapino comme ça, ce sera bien. Mais lui, il voulait pas un album de Lapino parce qu'il trouvait que Lapino était trop moralisateur et trop conservateur. Donc je lui ai dit, écoute, faisons autre chose, je vais faire un nouveau personnage. Mais il n'était pas question de faire ce qu'on a fait par la suite. C'est qu'au bout de deux albums, Johan était frustré de pas dessiner. Donc il m'a dit, j'aimerais bien faire un truc qui se passe dans le futur. Donc pourquoi pas, mais je lui ai dit, oui, mais attends, moi j'ai déjà la série Lapino à faire, j'ai déjà les Cosmonautes du futur, je sais plus ce que je faisais encore à l'époque. Toi, tu fais Professeur Bell, tu fais ceci, cela, tu fais le chat du rabbin. On n'aura pas le temps, sincèrement, si tu veux faire une série en plus. Et puis il dit, ah ouais, ok, je comprends. Puis 3-4 jours plus tard, je recevais les 5 ou 6 premières pages qu'il avait fait quand même, parce qu'il avait envie. Puis comme c'était bien, je lui ai dit, bah oui, c'est très bien. Mais en fait, il a utilisé mon style, le côté animalier, ça vient de moi, puisque c'est moi qui ai fait le truc à la base. Donc il ne pouvait pas dessiner autrement qu'animalier. Et après, quand j'ai dit, bah faisons aussi un truc qui se passe dans le passé. Faisons un truc qui se passe dans le passé, mais ce sera aussi animalier, puisque il faut que ce soit cohérent dans l'univers. Et en fait, le fait de travailler avec des auteurs très très différents les uns des autres, il y avait une sorte de ciment qui se faisait, et il y avait un lien qui se faisait par le côté animalier. Parce que j'étais là au pipi, parce qu'effectivement, on le voit moins, en tout cas dans le domaine franco-belge, ce système de prendre des canards pour faire les personnages principaux. Et d'une certaine façon, au fur et à mesure du temps, je pense que comme tu le dis, vous ne pensiez pas faire 36 albums, faire 15 ans un peu de travail sur Donjon. C'est devenu un peu un monstre sympathique. Oui, ce qui nous a dépassé, ce qui nous a largement dépassé. Parce qu'effectivement, quand on a fait la série qui se passe dans le passé, la série qui se passe dans le futur, la série qui se passe dans le présent, on nous dit, ah, putain, vous avez la série qui se passe quand on veut. Ouais, puis, ou alors la série qui se passe que entre deux albums. Oui, ben d'accord, on l'a fait à chaque fois. Mais effectivement, c'est... Moi, je trouve ça quand même assez ahurissant qu'on ait pu faire 36 albums en l'espace de 15 ans. Si on m'avait dit à la base que Donjon, ça allait être ça, ni lui, Johan, ni moi n'aurions dit « Ok, on y va, on signe ». On aurait dit « Oh non, c'est trop de boulot, on n'y arrivera jamais ». Et inversement, l'expérience de Donjon, comme tu disais tout à l'heure que Ralph Azam t'envisageait peut-être justement 3 cycles de peut-être 7 albums, l'expérience de Donjon rend palpable la possibilité de décider de refaire quelque chose dans le style sur Ralph Azam. Oui, mais ça vient aussi d'une autre réflexion, parce que je me disais, là on est dans une société qui est beaucoup basée sur le zapping, le tweet, le Tumblr, le machin court, il faut aller vite, il faut pas trop réfléchir, il faut faire une petite blague, on n'a pas le temps. Donc de plus en plus les auteurs n'auront pas le temps de s'investir sur des projets à long terme. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais m'investir sur un projet à long terme. Quand t'as des gens comme comment ça s'appelle, J.K. Rowling qui fait Harry Potter, elle a pas écrit en deux tweets. Elle a mis un bon paquet d'années. Quand Tolkien il a fait le Seigneur des Anneaux, il l'a pas écrit tout de suite, il l'a écrit vers la fin de sa vie quand il avait accumulé suffisamment d'expérience. Puis il a mis quelques années quand même à le faire. Donc je pense que je dis pas que pour faire une œuvre majeure il faut du temps, mais je dis que là on est dans un système créatif actuellement qui est un petit peu dangereux, parce qu'on est dans le toujours plus vite avec le moins d'investissement possible. Oui, en fait, dans la perspective que si le premier tome marche pas, ben déjà la série est mise de côté, alors que je pense en fait des séries comme Torgal, ça a commencé à marcher au 7e. C'est... Oui, c'est pas la même génération non plus. Et il faut parfois y croire, et il faut parfois s'investir. Et je pense moi j'ai la chance d'être dans une génération qui a commencé à vivre les premiers jeux vidéo et tout ça. J'ai vu le début d'Internet, j'avais 30 ans. Mais si j'étais né beaucoup plus tard, j'aurais été très très très facilement prisonnier de petits jeux à la con, de Facebook et de choses qui m'auraient fait perdre un temps fou, une énergie folle, et qui m'auraient empêché de construire ce qui a fait en sorte, ce qui a fait ma force au final. C'est un côté narratif rigolo, puissant, décalé, etc. Et en même temps, on revient aussi à l'idée d'équilibre et de variété qui est récurrente dans notre discussion aujourd'hui. En fait, dans la mesure où on prend des séries comme Donjon, comme Ralph Azam, où c'est des grandes sagas, en fait, il y a une ampleur, une narration, on pense, c'est quand même sur le long terme. En parallèle, il y a des petits riens où l'on est dans les petites idées, d'une certaine façon. Donc c'est un équilibre pour moi de pouvoir faire les deux. Si je devais faire que du Ralph Azam, ce serait assez lourd. j'ai besoin de faire des choses à côté. De toute façon, j'ai besoin de faire plein de choses de toute façon à côté. Donc, mais et pas forcément de la BD. Et à Québec, en fait, pour l'été 2014, pour la résidence d'invitation du festival de la BD francophone de Québec, c'est beaucoup axé sur les petits riens, en fait, c'est production d'anecdotes, de planches, des choses comme ça. Voilà, c'est beaucoup de, c'est genre, je finis à peu près une page par jour de choses que je vois, que je pense ou que j'entends par rapport à mon séjour. À côté de ça, j'ai fait quelques pages, quelques scénarios pour, quelques pages de scénarios, pas des scénarios entiers, pour d'autres auteurs. Je pensais sincèrement faire autre chose. Quand j'ai accepté l'invitation, je pensais écrire un plus grand scénario pour d'autres, mais je me suis dit non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué si je dois faire ça. Je pense qu'il y aura peut-être une frustration de la part du festival qui m'a invité ou des lecteurs sur place. Puis en même temps, j'aime bien faire les petits riens. Et souvent, quand je suis chez moi, j'ai pas l'occasion d'en faire parce que je suis chez moi, je suis dans mon train-train quotidien. Et ben, quand je pars à l'étranger, c'est toujours l'occasion là de me ressourcer, à prendre un petit peu de distance et me regarder moi pour voir où j'en suis. Mais en fait, j'ai l'impression que ça devient pour toi, en fait, du moins si j'essaie de me mettre à ta place autour d'albums autobio ou de petites anecdotes comme ça, ça devient un peu des albums de famille. Et puis j'imagine qu'autant on retourne sur les petits riens qui ont été faits il y a quoi, X années, ou qu'on le retournerait sur approximativement, par exemple, de ton côté, ça devient aussi une manne à souvenirs. Certaines manières. Oui, mais j'ai fait trois formes d'autobiographiques dans ma vie. C'était approximativement un moment où j'allais devenir papa, que j'allais quitter Paris, que je savais pas trop ce que j'allais faire. C'était avant de faire des pages pour Dargo et d'être professionnel. Donc c'était un moment de questionnement. J'en ai refait plus tard un moment où je devais partir dans l'hémisphère sud. C'était mon premier grand voyage loin. Et donc j'étais un peu stressé. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un carnet qui s'appelait le carnet de bord. Sur le vif, c'est-à-dire que dès que je pense quelque chose, je le fais immédiatement, j'écris immédiatement, toutes les idées éphémères qui me viennent et qui généralement passent, je les écris. Donc là, j'ai dû faire 3-4 livres, et après, il s'est passé encore une petite dizaine d'années, non moins que ça, pour que je reprenne les petits riens, où là, le but, c'était pas d'écrire des choses fondamentalement intéressantes, mais des petites choses, parce que je voulais apprendre à faire de la couleur. Et pour ça, je me disais qu'il faudrait que je fasse des petites histoires en une page. Et plutôt que de créer un nouveau personnage, je me suis dit, bah, je vais m'utiliser moi. Je suis un matériau extrêmement drôle. Donc, n'hésitons pas. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on a l'impression qu'on a trouvé la bonne idée ou le truc justement qui va faire un petit susciter le sourire, susciter le rire ou avoir une rythmique viable à proposer en planche? Est-ce que ça va quand même du petit paysage à une anecdote en... Voilà, j'essaie de me faire confiance. C'est le problème, c'est que c'est ça, il faut savoir se faire confiance. Et s'écouter. C'est-à-dire que quand on fait une page, que ce soit pour les petits riens ou pour une BD classique, si on fait une case ou une page ou si on se dit, ok, ouais, je pense que ça passe. Si on se dit ça, c'est que ça passe pas. Il faut déjà qu'on soit un minimum convaincu. Ça passe, ça passe pas. Il faut que ce soit bien. Que ce soit correct. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point on est capable d'avoir l'œil tout le temps. Parfois, il peut y avoir des choses qui passent et qui auraient peut-être dû rester dans les cartons. Moi, je fais confiance aussi à ma femme là-dessus qui va pouvoir relire derrière moi en me disant là, ça va ou ça ne va pas. Et généralement, je n'ai pas eu à changer grand-chose. Et tu en as gardé beaucoup dans les cartons au fil des années? J'ai fait plein de débuts d'albums. Et j'ai pas été plus loin. J'ai fait deux débuts d'albums, j'ai fait 220 pages à chaque fois. C'est des gros débuts d'albums. C'est des gros débuts d'albums. Oui, mais il y a un des albums, ça devait faire 5000 pages. Donc 220, c'est assez peu par rapport à 5000. Donc j'ai fait les 220 pages, et puis je me suis dit, ok, c'est bien, mais bon, maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Et d'ailleurs, cet album-là sera publié quand même à l'association en janvier prochain, en album inachevé, pour montrer que, pourquoi pas. Le début d'un 5000. Voilà. Et sinon, un album en aquarelle éventuellement? Dans la suite des petits riens? Comment ça? Tu disais en fait que tu faisais les petits riens un peu pour apprendre la couleur, l'aquarelle. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais transporter en album? Je fais les petits riens, donc c'est déjà des travaux en aquarelle. Après, faire que de l'aquarelle, c'est un travail graphique différent. Moi, j'aime bien faire de l'aquarelle, mais j'aime bien aussi être sur la synthique et faire du titre, faire du design. J'aime bien tout, hein, donc Mais j'essaie surtout de me dire qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 60 ans. Sur quelle base je vais pouvoir continuer mon travail? Est-ce que je vais devoir un petit peu lâcher la main, être plus dans le professorat pour d'autres? Parce qu'il y a un moment, on n'est pas forcément toujours au top de la création, et surtout quand on vieillit en bande dessinée. On continue de suivre ça. Mais on va pas finir sur le sujet, hein, parce que là, on va voir suicider. Question légère. Qu'est-ce que tu retiens de la résidence au Québec? Qu'est-ce que tu en gardes en terminant? C'était un bon break pour ma femme et moi de venir, parce qu'on venait juste de terminer le 7e album de Ralph Azam. Moi j'ai fini la veille de partir au niveau des scans et pour envoyer à l'éditeur, et ça faisait quand même 4 ans et demi de boulot, et là un break d'un mois c'est un peu mérité. Oh ben... En plus vous êtes tous très très gentils, les Québécois, et vous aimez tellement qu'on vous dise que vous êtes gentils qu'on vous le dit. Ben, il faut. Oh, vous êtes gentils, les Québécois. Lewis Trondheim, merci beaucoup. Merci. Les Québécois. Et voilà, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on porte un regard sur le projet Paroles sur Image. On porte également un regard sur le deuxième atelier BD de Québec, le repère de Biff Tannen, tout ça et plus. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine sur les ondes du 89.1 CKRL. Et dans quelques instants, l'émission Swing Out.